Cette année, j'ai un sentiment de nostalgie inédit à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est celui de bouffer du Cosenac. Décembre 2019. La Roumanie célèbre les 30 ans de sa révolution. Les drapeaux bleus, jaunes et rouges, troués au milieu, flottent dans les boulevards de Bucarest. Je regarde, sans comprendre, à travers ce trou béant, la ville géante qui défile et scintille sous des tonnes de guirlandes lumineuses. Nous avons rejoint la gare du Nord pour y attendre un train pour Ploiești. Sur le quai, une lumière dorée nous traverse et enrobe nos valises trop lourdes, remplies de matériel de photographie et de cadeaux dont nous ne savons pas véritablement à qui ils sont destinés. Ouais, donc au début, on a dit quoi? On parlait de quoi? Au tout début, c'était... au tout début, la question, c'était un peu la famille. Qui c'est qui est parti à l'étranger? Alors, elle a dit que Marius est parti, après Alessandro est parti. Non, Marius, ensuite Nicou, ensuite Alessandro, ensuite elle, ensuite... Et Gabriel sont partis. Que ça a été très dur pour Gabriel quand elle est partie. Il n'a pas voulu lui parler au téléphone pendant un mois. Et après, il lui a parlé un peu parce qu'elle est partie 6 mois quand même. Elle est partie pour s'occuper donc d'enfants, de personnes du village qui étaient parties en Suisse. Elle est revenue avec de l'argent, pas tant que ça, mais elle est revenue quand même avec de l'argent. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Eh ben après, j'ai demandé, donc eux, ils sont partis. Les grands-parents, non, jamais, elle a expliqué. Jamais. Elle a dit que les grands-parents étaient jamais partis, que sa mère, à elle, donc la grand-mère de Marius, avait été rendue visite à son frère en Italie. Elle est restée comme ça, 1 ou 2 mois pour visite, mais que ses parents n'étaient jamais partis. Elle a dit, oui, qu'ils ont commencé à partir à l'étranger que dans les années 90, quand pour les papiers c'était possible d'avoir un passeport à partir des années 90, et depuis elle sait plus quand, enfin depuis que c'est l'Union Européenne quoi, que maintenant ils peuvent partir juste avec la carte d'identité. Ouais. Mais qu'avant on partait pas. Et puis après, est-ce qu'elle a dit quelque chose sur justement comment c'était quand les garçons ils partaient, les rapports qu'ils avaient, un peu ceux qui restaient? Est-ce qu'elle a dit Réo ou je sais plus quoi, la Géo Réo Réo ça veut dire dur. Oui, elle dit, quand je lui demande comment c'est pour les gens qui restent, elle dit que c'est dur. Elle dit que les relations se refroidissent. Pas entre eux, mais avec les, plutôt avec dans les couples. Elle avait dit ça plusieurs fois, elle l'a redit. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Pour ceux qui restent, que c'est dur, mais que vraiment il y a cette histoire de mais il faut faire de l'argent et s'il n'y a rien. Travail. 12 jours plus tard, je posais mes yeux sur le Cosenac enfoncé dans mon bagage à main et qui était la seule chose bien visible et palpable provenant de ce que j'avais vécu les jours précédents. Je l'effleurais de temps en temps du bout des doigts pour m'assurer qu'il était bien réel. Il était mou et ses formes onduleuses me firent penser à un nuage. Mes yeux passaient ainsi du Cosenac à la chaîne du Jura étalée devant moi, tachetée de blanc sur les hauteurs. Et je me disais que les preuves du réel, ou plutôt du passé, tiennent à bien peu de choses. Derrière la vitre et au-delà de la courbe de ces petites montagnes si familières, j'imaginais le village de Batran, comme s'il reposait au creux d'une main. Partir ou revenir seul fait qu'à un moment donné, on se retrouve déjà détaché de ce que l'on vient de quitter et pourtant pas encore relié à ce que l'on s'apprête à retrouver. C'est un moment de flottement étrange et si particulier qu'il peut parfois se changer en grande solitude. Si voir, c'est avoir à distance, alors je vous vois. Tous les trois, toute la famille, et toi aussi, elle. Et tes sœurs en train d'éclater de rire et de confectionner des boucles d'oreilles en perles à la grande table du salon. Et ta mère dans la cuisine du rez-de-chaussée qui vous raconte l'histoire de son exil, que tu connais par cœur, mais dont pourtant tu découvres toujours des bouts manquants. Bonjour. Faceți brânză? Nu. Ce e? E brânză? A, nu. E supă? Cost? Porc? Porci? Ouais, ils ont coupé le porc et ils le font cuire. Ah ouais, parce que je vois, il y a de la viande. Mais c'est beau. Pot fac o poză așa? Da? Mulțumesc. Si voir, c'est avoir à distance, alors oui, je vous regarde, derrière cette vitre, près de la porte A9 de l'aéroport de Genève. Et je vois ma propre famille aussi, derrière ce mur de montagne. Ce frère, qui te ressemble un peu, et ce père qui attend depuis des années la fin de sa propre vie dans une maison qui n'est pas la sienne. J'entends le bruit de ses pas, de ses bottes, qui résonnent dans la cour, ce bruit que je n'oublierai jamais. Et puis sinon, là, on a parlé de ça, après on a parlé de les caractères des trois, donc c'était un peu tout mélangé. Il y avait quoi donc, il y avait l'histoire, là, quand je t'ai dit la vieille, elle a dit ça. Elle a dit parce que les vieux, ils restent seuls. Que, par exemple, elle parlait de la vieille, elle disait, mais elle, tous ses petits-enfants, ils sont à l'étranger, donc en fait, il n'y a plus personne autour d'elle. Et quand t'es vieux, tu peux pas vivre seul. T'es obligé de vivre un peu avec des gens, sinon c'est dur. Ouais. C'est pas mal qu'elle explique ça. Donc elle dit que, en gros, elle dit ça parce que tout le monde est parti, même dans sa famille. Elle parlait de Georgica. Mmh. Oui, c'est principalement par rapport au fait que quand tu deviens vieux, tu peux pas. Bah, tu te retrouves seul, quoi. Que tous tes petits-enfants, ils habitent à l'étranger, en fait. Près de la porte A9, je baisse les yeux vers le sol pour regarder mes bottes. J'aime les bottes. J'aime précisément ce que les bottes annoncent. Une sortie en forêt, un tour dans les marais, une écurie, un pâturage trempé de rosée, un champ labouré. À l'intérieur de cette paire de bottes, je fais bouger mes orteils. À l'extérieur, sur le caoutchouc noir, je contemple la poussière d'une terre qui vient d'ailleurs. Et lorsque je remue les doigts de pied, la terre scintille.